Elles traversaient à petits pas comme des reines l'établissement de la grenouillère. Elles semblaient fières de leur célébrité, heureuses des regards fixés sur elles, supérieures à cette foule, à cette tourbe, à cette plèbe. Madeleine et son amant les regardaient venir, et dans l'œil de la fille, une flamme s'allumait. Lorsque les deux premières furent au bout de la table, Madeleine cria « Pauline !» La grosse se retourna, s'arrêta, tenant toujours le bras de son moussaillon femelle. « Tiens, Madeleine, viens donc parler, ma chérie !» Paul crispa ses doigts sur le poignet de sa maîtresse, mais elle lui dit d'un tel air « Tu sais, mon petit, tu peux filer !» qu'il se tut et resta seul. Alors, elles causèrent tout bas, debout, toutes les trois. Des gaietés heureuses passaient sur leurs lèvres. Elles parlaient vite. Et Pauline, par instant, regardait Paul la dérober, avec un sourire narquois et méchant. À la fin, n'y tenant plus, il se leva soudain et fut près d'elle d'un élan, tremblant de tous ses membres. Il saisit Madeleine par les épaules. « Viens, je le veux, dit-il. Je t'ai défendu de parler à ces gueuses. » Mais Pauline leva la voix et se mit à l'engueuler avec son répertoire de poissarde. On riait alentour. On s'approchait. On se haussait sur le bout des pieds afin de mieux voir. Et lui restait interdit sous cette pluie d'injures fangeuses. Il lui semblait que les mots sortant de cette bouche et tombant sur lui le salissaient comme des ordures. Et, devant le scandale qui commençait, il recula, retourna sur ses pas et s'accouda sur la balustrade vers le fleuve, le dos tourné aux trois femmes victorieuses. Il resta là, regardant l'eau et parfois, avec un geste rapide, comme s'il l'eût arraché, il enlevait d'un doigt nerveux une larme formée au coin de son œil. C'est qu'il aimait éperdument, sans savoir pourquoi, malgré ses instincts délicats, malgré sa raison, malgré sa volonté même. Il était tombé de cet amour, comme on tombe dans un trou bourbeux. D'une nature attendrie et fine, il avait rêvé des liaisons exquises, idéales et passionnées. Et voilà que ce petit criquet de femme, bête, comme toutes les filles, d'une bêtise exaspérante, pas jolie même, maigre et rageuse, l'avait pris, captivé, possédé, des pieds à la tête, corps et âme. Il subissait cet ensorcellement féminin, mystérieux et tout-puissant, cette force inconnue, cette domination prodigieuse, venue on ne sait d'où, du démon de la chair, et qui jette l'homme le plus sensé au pied d'une fille quelconque, sans que rien en elle explique son pouvoir fatal et souverain. Et là, derrière son dos, il sentait qu'une chose infâme s'apprêtait. Des rires lui entraient au cœur. Que faire? Il le savait bien, mais ne le pouvait pas.